nos bras être droits comme la tour Eiffel. On finit penché comme celle de Pise. Maintenant croire être des hommes, mais la mentalité porte encore des aiguises. Demande à prodige, la mort on néglige. La mort après litige, remords on pige. Tard nos torts nous brisent, mes torts. Malgré ma soif de vie, le seul goût de ma gourde d'espoir part au pic pour que mes potes soient ravis. D'effroyables peurs me montrent, vu que ma montre ne prêtera pas ses aiguilles pour pouvoir au coup de le temps que ce monde me fait perdre en passé pervers. Vu que ma vue se pervers, toutes ses fesses sur affiche pervers. Car je prends mon pied quand j'ai des Air Max, frère, ou quand j'ai de la maille, car ça me fait bander un max, frère. D'autres langages nous guident. Avec les filles, on est plus bavard que Kit. Avec les flics, plus bavard que Ken, car les balances n'existent qu'en signe astrologique. Donc on faut que flics ils tournent chez nous comme dans un parc zoologique. Mais quand même, c'est vrai qu'on est des bêtes, mais pas pour plaire à Bardot, car on aime plus Dieu qu'un mouton, c'est bête. C'est la religion qu'on nous a souscrit. Mais viens faire le malade, c'est pas un suppôt, mais un doigt qu'on te prescrit. Malgré les épreuves insurmontables, toujours les mêmes sur le peloton. Ces mecs ont autant de blessures qu'un saut du haut d'un balcon. Entre dans le cocon, dans l'œuf, dans l'urne où les traites sont bannies. Entre dans le vent de nos mères pour voir la souffrance et les cris. Clou rouillé, bout de ficelle pour tenir notre cabane en bois. Bienvenue dans le nid, dans le berceau, dans les blocs de la cave en bois. Entre dans le monde parmi les peuples, ceux qui se focalisent sur nos racines, notre galaxie, notre terre promise. Étant donné que nous sommes que des touristes de la vie, étant donné que notre corps se loue pour être semblable au décor, jeunes et naïfs font des sourds, ramènent plein de souvenirs. Ignore que l'ange douanier fait passer que les prières agir. J'y pense qu'à la lune pose cette nappe noire et qu'on passe à table pour manger cette ville. Allume des phares en guise de chandelle. Les voyous et les voyelles sont de sortie, mamselle, cache leur conseil. On roule tous sur la chante et ça fait des étincelles qui servent de soleil. Dans un monde froid comme le sang d'un criminel, une génération éduque une autre. Les savoir-faire se font passer comme les films dans nos blocs. Rares sont les auteurs, compositeurs de la misère. Trop d'MC interprètent car c'est la mode de parler de la guerre. J'ai pas une enfance malheureuse, au contraire. Mais c'est plus tard que ça se dégrade que tout devient chien d'air. Alors tu fumes jusqu'à en devenir asiatique. Ton cocu de la ville, l'homme s'en taffe, faut pêcher car c'est pas fidèle. J'explique ce qui doit être vu en image. Ça se peut que les personnages sortent de ton écran sous pression de ta rage. À force d'avaler, tu finis par gonfler et t'envoler. Comme tous les frères qu'on perd les étés, que ces derniers finissent en géant s'envolant. Laisse des plumes que les poètes décidés empruntent pour écrire quand vient la lune. Blanda aussi dit que tous les frères, les sœurs, les habitants sont dotés d'une rançon pour l'attente. Trop tant d'étention, l'évasion tente. Coupable sans preuve, Blanda aussi dit pour tous ces gens qui m'ont vu grandir. Ces bâtiments, ces murs, ces blocs qui servent de planque quand faut fuir nos ennemis. Blanda aussi dit. Malgré les épreuves insurmontables, toujours les mêmes sur le peloton. Ces mecs ont autant de blessures que sous du haut d'un balcon. Entre dans le coco, dans l'œuf, dans l'urne, les traites sont bannies. Entre dans le vent de nos mères pour voir la souffrance et les cris. Clou rouillé, bout de ficelle pour tenir notre cabane en bois. Bienvenue dans le nid, dans le berceau, dans les blocs de la cave en bois. Entre dans le monde parmi les peuples, ceux qui se focalisent sur nos racines, nos galaxies, notre univers, notre terre promise. Pour mes amours, remerciements. Allah, Massa, Kinana, Imaï, pour mes mains pleines de ciment. Street skills, nouveau philo, et puis tout ce qui se construit lourd comme des presqu'îles, tout doucement. Pour qu'on reste qui, flic et souci, fils et scousi. Mais je rappe pour informer plus que Mourouzi, Ouzi. Vocal chargé au train de vie, comme une vie oubliée sur nos communes, jusqu'au jour où crash nos fusils, Ouzi. Si en train de cogiter, les saisies, éviter, comme Fonzi, irriter de la chat cité. Prêt à écouter ce qu'on a à dire, écoute ceux qui ont jamais eu le permis de pouvoir bien se conduire.